Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères réparer un moteur les yeux fermés, désamorcer une bombe les yeux fermés ou changer les vêtements de quelqu'un les yeux fermés? La voiture. Ah, t'es sur la voiture, ok. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anger Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Don't be funny! Don't be the money! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 31. Épisode reprise, c'est le début de la saison 4 de Cruise Control. Ouais. Où nous entamons les années 2010 avec tous ces films un par un. Et le premier, c'est Night and Day, en français Night and Day, réalisé en 2010 par James Mangold, où Tom Cruise joue le rôle de Roy Miller. Ah ouh. Serena. Déjà, bonjour Serena. Bonjour. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait un petit paquet de temps. Tu avais déjà vu ce film ou pas? Est-ce que tu étais impatiente de le voir? Eh bien, je ne l'avais pas vu, mais j'avais très, très envie. La curiosité même peut-être malsaine. J'ai attendu tout l'été pour le voir, parce que j'avais très envie de le voir. Et je me suis dit, non, il faut le faire juste avant. Oui, que moi j'ai triché. Je l'ai regardé pendant l'été et je l'ai re-regardé avant d'enregistrer. Mais c'est bien. Eh oui, mais voilà. Ouais. Bah, t'avais envie quand même, alors. Ah, moi, j'avais une grosse curiosité. Mais là, de toute façon, c'est les films, ceux que t'as pas vus du tout, qui sont pas connus, tu te dis là, c'est qui tout double. Ça peut être soit un truc complètement dingo qu'on a raté, soit un truc complètement dingo qu'on a bien fait de rater. Et bon, on verra semaines à venir que c'est possible qu'il y ait un peu des deux. Oui. Qu'est-ce que d'habitude on fait normalement? On fait un résumé direct. Hein. Bon, bah, du coup, Serena, résumé. C'est facile, hein. On court, on canarde, on prend un véhicule, on canarde, et puis on reprend un véhicule, blague. Une petite blague au milieu, et puis c'est reparti, quoi. Ouais, bon, allez. Essayons. Allez. Bon courage. Oui. Alors, nous commençons le film à l'aéroport de Wichita. Wichita, dans le Kansas, on voit Tom Cruise qui se balade dans l'aéroport. On le reconnaît de sa nuque, quand même. Ouais. Il est avec pas iconique, ce mec. Avec les cheveux et son implantation de cheveux. On sait que c'est lui. Eh oui. Il regarde les tableaux de départ. Il voit les vols pour Boston retardés. Donc, il attend. Il mange une glace, il fait des jeux vidéo. Il regarde des petites figurines des chevaliers dans une vitrine. Et il voit une fille à l'aéroport avec une grosse valise, Cameron Diaz. Oui. Qui, sur sa valise, a des symboles de Boston. Donc, il comprend qu'elle va à Boston. Il lui rentre dedans. Il a l'air malin, ce garçon. Ouais, il est malin. Avec ses lunettes. Ah, il a aussi un portable qui buzz. Son portable, sonne. Et il y a juste une vision d'un appartement, d'une maison, d'un Amapola Road. Et il y a écrit « Mouvement détecté ». Genre, vision un peu de drone, on satellite. On se dit qu'il surveille des choses, ce garçon. Il rentre dedans à Cameron Diaz. Je ne sais pas comment on dit, mais il sait... Oui, il rentre dedans. Il rentre dedans. Tout à fait. Et il lui dit « Ah, salut, machin ». Il se dragouille. Il fait « Bon voyage, à voir ». Elle passe le metal detector. On découvre qu'elle a des carburants Pontiac, pour une Pontiac. Oui, des éléments de moteur d'une Pontiac GTO. Voilà. Et elle dit qu'elle restaure des voitures d'époque. Elle passe le métal détecteur. Elle re-rentre dedans à Tom Cruise par erreur. Oh, vraiment, les hasards. Il se redrague légèrement. Ils sont au gate. Elle essaie de rentrer sur l'avion, de monter sur l'avion. Le passage lui est refusé parce qu'il n'y a plus de place. Alors qu'elle vient juste d'être enregistrée. C'est ça qui est surprenant. Bizarre. Ouais, bizarre. Tom Cruise passe derrière elle. Elle passe, il passe. Oui. Et lui dit, bon, t'inquiète, parfois les choses arrivent pour une raison. Oui. Bon, bizarre. Entre-temps, deux mecs, on dirait deux mecs de la sécurité, deux agents, un truc comme ça, regardent les images des caméras de surveillance dans une voiture. Et ils regardent Tom Cruise qui rentre dedans à Cameron Diaz. Ils regardent les images en direct. Un des deux parle au téléphone avec leur chef, on imagine, Viola Davis. Mythique, la classe. Et elle dit en gros qu'un homme a tué plein de mecs dans un labo, qu'il est parti avec Zephyr. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Zephyr? On imagine quand même que c'est Tom Cruise, cet homme. Oui. Donc le mec il dit t'inquiète, on va le choper quand il arrivera à Boston. Il regarde les images en même temps, il voit Cameron Diaz et il dit mais c'est qui cette fille? Tu sais quoi? Faites-la passer. Donc, Cameron Diaz, il y a une hôtesse de l'air qui dit « Oui, oui, vous pouvez passer, finalement, il y a des places. » Elle est un peu « Yes », elle monte sur l'avion, mais personne dans cet avion. Il y a du pelé, dont Tom Cruise. Donc, il commence à parler, on découvre Tom Cruise qui n'a pas l'air serein quand il la voit rentrer. Il dit « Oh, qu'est-ce que t'as fait, Fitzgerald ?» Fitzgerald, bon, on ne comprend pas trop. Donc, ils sont assis côte à côte. Tom Cruise parle avec Cameron Diaz. Elle dit qu'elle doit aller au mariage de sa sœur, qu'il se dragouille, qu'elle voudrait faire des trucs. Lui dit « Ah, moi aussi, je voudrais faire tellement de choses. Aller à Cap Horn, embrasser une fille inconnue, soit, je sais pas, dans un hôtel. » Il est en train de nous raconter le scénario qui va venir, j'ai l'impression. Oui, voilà, sur la Côte d'Azur. Voilà. Donc, Cameron Diaz est très excitée, disons. Oui. Oui, oui. Elle dit « Ah, je dois aller aux toilettes. » Elle va aux toilettes. Oui, parce que ça s'est renversé. Il y a des turbulences, ça s'est renversé vers sur la chemise. C'est vrai qu'il y a des turbulences, bon, plus en plus grosses. Oui. Elle va aux toilettes. Tom Cruise l'accompagne aux toilettes. Il ferme la porte et là, il tue tout le monde. Là, c'est la bagarre. Là, c'est la bagarre. Elle ne se rend pas compte. Elle est dans son monde. Il avait repéré, il avait vu qu'il n'y avait pas grand monde, mais que tous les mecs qu'il y avait dans l'avion, ils le regardaient chelou. Il s'est dit « Bon, c'est pour moi. » Ouais, voilà. Donc, grosse bagarre, il tue tout le monde. Elle sort des toilettes, elle s'est rendue compte de rien. Elle va vers Tom Cruise, elle l'embrasse. Et Tom Cruise, il fait « Oh, oui, bah, super, merci, mais je dois te dire un truc. » Il lui donne un verre. Voilà, prends ça. « J'ai tué tout le monde, donc je dois m'occuper de l'avion avant de continuer à t'embrasser. » On n'a plus de pilote. Elle rigole. « T'es fou. » Tom Cruise va dans la cabine de pilotage, donc elle suspecte un truc. Il y a un gros virage, disons, de l'avion. Je sais pas, l'avion, il s'incline. Tous les gens qui semblaient assises tombent comme des cadavres. Tous les morts qui tombent dans l'allée. Donc, elle panique. Elle va dans la cabine d'atterrissage. Atterrissage de secours. Il veut pas atterrir dans un aéroport. Il va atterrir dans un champ de maïs. Elle crie. Elle comprend rien à ce qui se passe. Ils atterrissent. Tom Cruise lui donne une petite bouteille pour... Relaxant, pour qu'elle se calme. Elle la boit. Elle se sent mal. Elle se sent évanouir. Tom Cruise lui dit, t'inquiète, c'est normal. Je t'étais droguée. Parce que là, eux vont arriver. Ils vont te demander des mois. Tu dois dire que tu ne me connais pas. Tu dois dire que voilà, tu ne sais rien de tout ça. Que tu te rappelles de rien. Et surtout, s'ils te disent qu'ils t'amènent dans un lieu sûr pour ta sécurité, tu dois fuir, tu dois courir parce que ça veut dire qu'ils vont te tuer. Enfin, quoi ? Ah, j'ai pas compris ? Blam ! Évanouie. Elle se retrouve dans son lit, dans son appartement. La classe. Tranquille. Elle a un petit post-it de Roy qui lui écrit genre « Bon réveil, prends un petit déj et il lui a fait une omelette. » Elle est « C'est quoi ce bordel ?» Quelqu'un sonne à sa porte, c'est Rodney, le pompier l'ex de Cameron Diaz, qui a vu à la télé que son avion a eu un crash et qui s'est dit « je dois tenter ma dernière chance avec elle ». Elle dit « ouais, pas de crash, t'inquiète, elle est complètement confuse, mais elle doit aller à l'essayage de la robe. Des mademoiselles d'honneur du mariage de sa sœur. Donc, elle est là-bas. Une voiture la suit. Il y a un mec qui rentre dans les magasins en disant « C'est à qui les camions qu'elle a dehors parce que t'es en train de prendre une amende ?» Donc, Cameron Diaz sort. Les mecs la suit, plein de mecs l'entourent et lui disent montez dans la bonjour, voiture. Bonjour, on est le FBI, voilà. On est là pour votre sécurité, rentrez dans voilà. le véhicule. Je tout suis, ce que Roy a dit de ne pas faire. Voilà, donc elle rentre dans la voiture, la pauvre. Le mec qui se présente, c'est l'agent Fitzgerald de l'FBI. Ouais, il dit oui, FBI. FBI, ouais. Et il dit, mais vous savez, c'est qui Simon Feck ? Elle dit, ben non, pas du tout, c'est qui ? Elle dit, ok, d'accord. Pas de soucis, on va vous amener dans un lieu sûr. Elle dit non, je veux pas. Bam, bam, bam, coup de pistolet. Les Fitzgerald, je crois qu'il s'est sauvé. Je sais pas trop comment, mais il est pas dans, la, il même est pas voiture. Dans la même voiture. Voilà, il s'est sauvé. Le conducteur de la voiture, il meurt. Cameron Diaz, elle reste toute seule dans la voiture. Elle essaie de prendre les contrôles de la voiture. Tom Cruise, par un truc rocambolesque, tombe sur sa voiture, donc il dit hey, salut beauté, super belle robe un truc comme ça, la drague et entre temps il tue tous les gens qui sont en train de tirer. Il y a grosse course poursuite mais qu'on se fera dans l'extrait, ouais, non, je vais pas tout, on va pas tous la faire donc il tue tout le monde, il arrive à sauver Cameron Diaz dans la voiture qui avait perdu contrôle et Cameron Diaz sort de la voiture et elle court, elle s'échappe, ouais. Tom Cruise la suit, elle va chez la seule personne qu'elle croit pouvoir l'aider, Rodney, les pompiers. Donc elle va chez Rodney, elle dit je dois te parler s'il te plaît, on peut aller dans un bar. Rodney, il comprend rien. On va aller prendre une tarte. Moi aussi, je suis confus. Mais lui, il passe à sa relation d'amour, alors qu'elle n'est pas du tout. Donc ils vont dans un bar, ils commencent à parler. Elle essaye de lui expliquer ce qui s'est passé ces derniers 48 heures. Il ne comprend rien. Il pense qu'elle pète un câble parce que sa soeur s'est mariée. Tom Cruise rentre dans le bar à ce moment. Il fait copain-copain avec Rodney. Il dit ah, t'es pompier, ouais, ha ha ha ha, c'est super ami. Elle dit non, mais c'est lui les gars. Tom Cruise la prend, il prend un pistolet. Il dit ah, t'as tout au sol. Il la prend en otage, ouais. En fait. Ouais. Et il s'échappe avec elle. Rodney essaie de le suivre. Tom Cruise lui tire. Dans la jambe. Rodney s'écoule. Elle dit quoi, t'as tiré sur Rodney? Il dit non, mais t'inquiète. Il va voir Rodney. Il dit t'inquiète, la balle est passée à travers. Ça a touché aucun organe vital, aucune artère. Tout donc va bien. C'est clean. Tu seras un héros. Tu vas voir, ça va aller. C'est la meilleure des promotions qui peut t'arriver, voilà. C'est de te faire tirer dessus. Donc, il s'échappe avec Cameron Diaz. Cameron Diaz est super en colère. Elle dit mais t'es fou, qu'est-ce qui se passe? Elle lui crie plein de trucs. Tant que lui dit non, mais t'inquiète, je sais ce que je fais. Elle dit non, mais moi je me sentais vachement plus en sécurité avec eux qu'avec toi. Elle dit ah bon? Il s'évexe, il boude, avec il s'arrête. Moi, là. Sans moi, il lui t'es dit, là. Avec ta sécurité avec moi, c'est là. Il lui monte en haut et sans moi, c'est là en bas. Et il n'arrête pas de répéter ce truc. Donc il lui dit bah, en plus, Rodney, je lui tirerai des sous, mais t'inquiète, il sera un héros. Je fais ça clean. De toute façon, c'est juste je suis en train de te protéger à toi, alors que je devrais protéger quelqu'un d'autre. Donc si tu veux pas me suivre, je te laisse ici. Oui, il explique qu'il a fait exprès la prise d'otage aussi, pour qu'elle ne soit pas incriminée, qu'on se dise pas qu'elle est complice. Voilà, c'est ça. Donc il y avait des caméras, tout le monde nous a vus, donc tu sais, c'est un bon alibi pour toi. Oui. Elle décide de rester avec lui. Ils partent en cavale. Elle voit la télé, en effet, Rodin qui se fait interviewer comme les nouveaux héros, pompiers héros. Il est trop honnête. Ils sont dans la voiture et Tom Cruise, il sort la figurine du chevalier qu'on a vu au tout début. Au tout début. Oui. Début. Oui, ouais, je sais pas. Et il lui dit, c'est ça que tout le monde cherche, c'est les Zéphyrs. C'est une batterie qui n'est... ne se décharge jamais. Ouais. Et c'est Simon Feck qui l'a inventé. Moi, j'étais en train de le protéger avec un autre agent, l'agent Fitzgerald, qu'on a vu tout à l'heure. Et Fitz, il est devenu un peu fou. Il voulait Zéphyr et tuer Simon pour le revendre. Oui. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai volé Zéphyr avant lui. J'ai mis dans une cachette Simon et après, j'étais rencontré. Il est en cavale. Voilà. Donc maintenant, on va retrouver Simon. Ils vont à Brooklyn, dans un hangar. Il y a la cachette de Simon. Il y a plein d'écriteaux, de formules mathématiques sur les murs. Simon n'est pas là, mais il a laissé un message codé à Roy Tom Cruise. Parce que je n'ai pas dit son nom, mais c'est Roy Miller. Oui, c'est Roy Miller. Et, Et entre-temps que lui regarde les messages codés sur les murs, Cameron Diaz s'amuse derrière avec son pistolet en essayant de tirer, pour blaguer un peu. Et plein d'hommes, on voit derrière elle, plein d'hommes qui descendent un rappel. Ouais. Dans le hangar armé jusqu'aux dents. Les hommes attaquent Cameron Diaz et Tom Cruise. Tom Cruise tire, il tue tout le monde. Bon, non, il tue pas tout le monde, mais il tue 2-3 personnes. Cameron Diaz panique littéralement. elle est complètement ouf. Elle tire de la mitraillette alors qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle part quand elle ne devrait pas partir. Bon, elle panique. J'adore. Je dois dire, ça, c'est une de mes scènes préférées. Et elle dit, mais c'est qui ces hommes? Et il dit, c'est pas la FBI, c'est des hommes plus dangereux. Et je crois qu'il lui explique là que c'est... Oui, c'est les hommes d'Antonio Quintana, un trafiquant d'armes espagnol. C'est ça. Et il lui dit, bois ça, parce qu'ils vont nous... Bois ça, s'il te plaît. Elle boit, et en fait, c'est de la drogue, elle s'évanouit. Et il lui dit, oui, désolé, j'étais encore drogué. Parce que tu paniquais trop, quoi. Mais oui, mais il est mignon parce qu'en fait, il assume tout. Oui, j'étais drogué, mais en fait, c'est très mignon. Donc, on voit les images du point de vue de Cameron drogué, qui voit, première image, Tom Cruise suspendu, tête en l'air, qui lui dit, t'inquiète, on va s'en sortir, menotté et tout. Tom Cruise qui est descendu et qui la prend. Tom Cruise dans un avion en train de sauter avec son parachute avec elle, avec les parachutes à moitié inconscientes. Tom Cruise sur un hors-bord. Un bateau. Ouais. C'est quoi? Hors-bord? Un hors-bord, ouais. Oui, je sais pas quoi. Un bateau. Oui, voilà. Un bateau. Et se réveille enfin sur une île au milieu de l'océan. Elle se réveille, elle a un maillot de bain. C'est bizarre, elle n'avait pas de maillot de bain. Hein. Donc. Elle va voir Tom Cruise qui sort de l'eau avec 2 poissons hyper sexy. Elle dit, hey, tu t'es réveillée enfin. Elle dit, mais qu'est-ce que je porte? Pourquoi j'ai un maillot de bain? Elle dit, parce qu'on est à la plage. Tropiques. On est à la plage. Elle dit, mais tu me l'as mis. Elle dit, non, mais t'inquiète, moi, on m'a pris à désamorcer des bombes, les yeux fermés. Les yeux fermés, donc je peux t'habiller les yeux fermés. Mais je dis pas que je fais ça. Elle pète un câble, elle essaie de le battre, de le taper, elle n'y arrive pas, elle s'échappe, elle prend son sac. Dans son sac, il y a 2 téléphones portables, les téléphones portables de Tom Cruise qui sonnent et elle voit la fameuse image satellite de Amapola Road. Oui, l'endroit qui surveille à distance. Voilà. Tout à fait. Et puis son téléphone à elle sonne et c'est sa sœur. Elle répond, mais elle est interceptée. Et oui, par les hommes par les méchants de Quintana. Donc un avion débarque, un drone tu dis ? Non, ouais, un avion. Une espèce d'avion drone un peu bizarre. Débarque sur l'île et ils découvrent qu'ils sont aux Açores. Toute petite île aux Açores. Et en fait, en plus, Tom Cruise lui dit, mais normalement, personne connaît cette planque, c'est ma planque ultime, personne ne la connaît, mon téléphone il est intraçable. Sauf si tu as répondu, si t'as répondu ou tu as appelé quelqu'un, mais ça, c'est pas possible. J'ai répondu à un appel. Donc, il dit que j'ai répondu à ma sœur, je voulais pas qu'elle s'inquiète. Voilà. Donc il a un hélicoptère caché sur l'île. Elle veut pas monter sur l'hélicoptère parce qu'elle a trop peur. Il dit mais je peux plus te droguer. Tu m'as demandé de plus te droguer. Donc elle dit ok oui c'est vrai mais je sais pas si je vais monter. Bam, elle s'évanouit. Oui. Donc, on voit les autres images de son point. Non, on la voit sur. Non, on voit pas d'image. Elle s'évanouit. Elle se réveille dans un train qu'on nous dit c'est au mont Capal dans les Alpes. Oh, c'est précis. Ouais, j'ai noté tout. Non, mais c'est beau. On voit qu'il y a Simon, le petit génie interprété par Paul Dano. Paul Dano. Love. Et. Qui est avec Tom Cruise. Elle est dans une autre pièce. Elle se fait aborder par un mec qu'elle comprend tout de suite qu'il est un peu louche. Bah, au début, elle croit que... elle sort de sa cabine et Tom Cruise est déjà avec Simon en train de jouer à la locomotive. Et manger un sandwich. Et elle voit ce gars. Elle se dit, ah, mais c'est lui, Simon. Donc, elle lui dit, ah, mais si tu veux, il y a Tom Cruise qui te cherche, etc. Ouais. Et au bout d'un moment, elle se rend compte que non. Donc elle s'échappe, Tom Cruise la rejoint avec Simon, bataille avec le faux Simon Cameron Diaz, par erreur, elle se libère, bon, elle se bagarre, et par erreur, elle lui plante un couteau dans le dans les cœurs. Le mec enlève les couteaux, Tom Cruise, il le jette en dehors du train, oui. Et un autre train passe derrière, il est mort. Hop là, saucisse. Allez, oust. On arrive à Salzbourg, Autriche. Ah, qu'est-ce qu'on voyage alors avec ce film? Ouais, c'est ouf. Alors, on est dans la chambre d'hôtel d'un super hôtel de luxe. Cameron Diaz et Tom Cruise sont des chambres côte à côte. Cameron Diaz est toute contente. Elle va au balcon, elle voit Tom Cruise qui parle avec une femme. Elle lui dit oui, rendez-vous dans pas longtemps, machin truc, Noémie, j'ai trop envie de te voir. Bizarre. Elle lui dit, ça te dirait de dîner avec moi ce soir? Oui, mais je peux qu'à 21h. D'ici là, reste dans ta chambre. Ouais, tu parles. Bah, je vais faire ça alors. Et donc, elle sort, elle le suit. Ouais. Elle voit Tom Cruise avec une nana qui est Gal Gadot. Oui. Fait juste un truc. Super canon, en tout cas. Oui. Il la drague un peu et surtout, il essaie de vendre Zephyr à Antonio. En fait, c'est un intermédiaire pour Antonio Quintana, le trafiquant de drogue. Cameron Diaz, elle comprend. Et elle s'en va en boudant, triste. Oui. Donc, il y a une voiture qui l'arrête tout de suite. C'est Fitzgerald qui l'amène chez Viola Davis. Je t'ai quitté le nom des comédiens. Chez la chef. C'est les personnages, il faut suivre. Hein. Et la chef se présente, elle dit, je m'appelle Isabel George. Je suis le chef de la contre-espionnage de la CIA. Donc elle explique, elle dit, oui, mais moi je ne vous crois pas. Cameron Diaz, de toute façon, elle ne sait plus à qui croire. Mm. Donc elle dit, non, mais Tom Cruise vous a menti. Regardez ces images à l'aéroport. Et en fait, on découvre que quand il lui était rentré dedans à l'aéroport, il avait mis Zephyr dans son sac à elle pour l'utiliser comme mulet, qu'elle fasse le passage au métal détecteur. Donc elle est vexée, Cameron Diaz. Donc elle dit, bon, OK, qu'est-ce que je dois faire? Et la chef, elle lui dit, bah, vous prenez ces stylos et vous quand vous avez votre rendez-vous avec Tom Cruise et vous voyez que Zephyr est avec vous, vous cliquez sur les trucs du stylo, là. Et, intervention. Et tout le monde arrive. Elle va au rendez-vous du dîner. Elle parle à Tom Cruise et dit « Ouais, t'as bien vendu Zephyr ?» Ça fait tout de suite repérer. Et en plus, tu m'as utilisé comme mulet, un truc comme ça. Tom Cruise, il ne se défend pas trop. Elle clique sur le stylo parce qu'il avait Zephyr sur lui. Ouais. Qui commence à chauffer d'ailleurs, entre autres. Bon, oui, c'est un truc qui nous dit que c'est bizarre, ça chauffe beaucoup. Et sachant que ça fait la taille d'une petite pile. Hein. C'est pas, oui, c'est ça. Pour info. Et tout le monde débarque, elle clique sur les stylos, tout le monde débarque. Course-poursuite sur les voilà, toits. Truc rocambolesque, Tom Cruise tombe à l'eau. Elle tombe dans le vide, ouais. Oui, dans l'eau. On le voit tomber dans l'eau, c'est vrai. Et Cameron Diaz est protégée, Simon part avec Fitzgerald. Cameron Diaz retourne dans sa vie, elle va au mariage, toute la vie plan. Voilà, Roy Miller a disparu avec Roy Miller Zephyr, voilà. Qu'est-ce qui se passe? on voit en Allemagne, on est en Allemagne, on voit Simon avec Fitzgerald et un autre agent. Fitzgerald tue l'autre agent et appelle Antonio Quintana en disant j'ai plus le Zephyr, mais par contre j'ai Simon Peck, donc on peut se retrouver. Ok, on se retrouve dans 2 jours en Espagne. Entre temps, Cameron Diaz est ça trop... Ça nous promet encore des voyages, c'est fantastique. Cameron Diaz dit, elle se rappelle de l'adresse à Mapola Road, donc elle va à l'adresse pour chercher Roy Miller parce qu'elle a envie de le retrouver. Ben oui, mais ça c'est la travail quand même. Voilà, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Elle tombe dans une maison de un couple de personnes un peu âgées. De retraités, ouais. Elle demande, mais vous connaissez Roy Miller? Ils disent, non, on ne connaît pas. Il y a un truc sur, ils ont gagné 2 fois la loterie sans jamais avoir joué, c'est trop bizarre, mais bon, ils perdent la tête. Et elle voit sur la cheminée une photo de jeune Tom Cruise. Elle dit, non, mais lui, c'est Matthew Knight, donc K-N-I-G-H-T, chevalier. Knight. Et c'est notre fils, il est mort en Corée, il était trop fort, voilà. Donc, elle fait, comprendre. Je suis trop désolée. Donc, elle dit, bon, oui, je suis trop désolée, je dois partir, au revoir. Elle part, elle appelle sa messagerie de chez elle dit, pour tous ceux qui écoutent mon téléphone, j'ai Zephyr, venez me chercher. Et oui, on se retrouve au Tel Adresse. De tendre un piège. Voilà. Il se prend au jeu de l'espionnage. Les, les méchants arrivent, ouais. De Antonio de Quintana. Quintana d'ailleurs. Et il la kidnappe, il l'amène à Séville, Espagne. Clac, clac, clac, clac, clac, clac. C'est la fête de Saint Fermin avec une musique ultra cliché. Antonio Quintana dans un super. Une belle villa. Villa mosaïque, vraiment les trucs Séville. Typique sévillan. Il n'y a plus. Et avec Cameron Diaz. Cameron Diaz, on lui injecte du sérum de la vérité. La pauvre, je pense qu'elle prend toutes les drogues du monde. Hein. Et du coup, elle commence à dire, elle commence à parler. Et lui demande, il est où Zéphir? T'as dit que t'avais Zéphir. Elle dit, non, mais moi, je sais pas Zéphir. C'était juste parce que je voulais retrouver Roy, parce que Roy, il est trop sympa. Et toi, je t'aime pas. Toi, je t'aime pas, mais lui, je l'aime bien. Et elle commence à parler. Elle dit, oui, parce que je pense qu'il a fait exprès de appeler la, que j'entends l'appel à Salzbourg et que je le suis parce que comme ça je rentre en sécurité, comme ça je pouvais retourner au mariage de ma sœur. C'est les petites choses, vous voyez, qui font les trucs. Et quand tu parles, il dit, mais comment tu sais pas où c'est Zéphir? Il dit, non, mais je sais que Roy, il est toujours là quand vous êtes par là. Donc il dit, Quintana dit, bon allez, tu es là, je m'en fous. Et les mecs de Quintana la prennent et l'amènent pour la tuer. Entre-temps, on voit que Tom Cruise est sur les toits de ce même bâtiment et que Fitz donc, arrive à l'intérieur de la cour de ces bâtiments. C'est ça. Donc Quintana part avec Fitz. Il dit, mais c'est où Simon Feck? Il dit, viens avec moi. Oui, je vous emmène. Je vous emmène. Tom Cruise va pour les suivre, mais il entend parler Cameron Diaz, qui est sous le sérum de vérité, est complètement perché. Et donc, il dit, ah merde, elle est là. Donc, il va la sauver. Il tue les hommes autour d'elle. Il la récupère. Elle est méga... Elle est trop contente. Elle est trop contente. Et en plus, love, quoi. Ouais. C'est comme si elle avait pris de l'MD, quoi. Je sais pas, elle est méga love. Elle dit, ah, je suis méga excitée. J'aurais vraiment envie de faire du sexe avec toi. Pendant qu'elle lui tue. Tu tires sur tout le monde. Donc, elle dit, ah, mais j'ai pas l'impression que t'es très contente de me voir. Tom Cruise fait une super marche pour l'embrasser. Avec tout le monde qui tire autour. Oui, c'est bien. Il l'embrasse. Et disent, bon, mais maintenant, par contre, maintenant, on peut bosser. Il faut aller sauver Simon. Donc, il a un traceur qui... Qu'il avait mis un badge à Simon le suivre. Pour le tracer. Donc, il prend en moto, ils sont en moto, ils suivent la voiture. Mais c'est la fête de Saint-Firmin. Et qu'est-ce qu'on fait, la fête de Saint-Firmin dans les villages? On s'est fait poursuivre par des troupeaux, des taureaux. Et voilà, on lâche des taureaux dans la ville. Donc on a des bagnoles, des taureaux, des gens qui courent et Tom Cruise et Cameron Diaz sur une moto. Donc ils font des acrobaties des ouf, ils rentrent dans l'arène et les taureaux ils les suivent, les taureaux ils s'échappent, ils défoncent la voiture d'Antonio Quintana qui meurt comme ça. Oui, a priori. Bof. Et ils continuent de suivre Fitzgerald avec Simon qu'on découvre être dans les coffres de sa voiture. Oui. Ils arrivent dans un spot au bord de l'eau. Je sais pas, au port. Fitzgerald tient Simon sous les pistolets. Il demande, Tom Cruise dit non, ne les tue pas. Je te donne Zéphir. Donc il lui lance. Simon dit non, ne lui donne pas. Il dit oui, c'est bien. Il s'en va. Fitzgerald prend Zéphir et se barre. Il essaie, et du coup, il veut tuer Simon pour qu'il ne refasse pas un autre Zéphir. Tom Cruise, il saute. On entend les boum. Cameron Diaz arrive, Simon, il va bien. Il dit, non, mais en fait, Zéphir, je ne voulais pas que tu lui donnes parce qu'il est défectueux. Oui. Bizarre. Après, il dit bizarre, mais en effet, on voit Fitzgerald sur l'avion qui dit, ouh, elle chauffe beaucoup de plus en plus. Cette batterie. Et boum! Explosion. Donc, Fitzgerald, bye bye. Tom Cruise, il dit, non, mais ça va, t'inquiète, ça va aller, Simon. Et on découvre qu'il a été touché par une balle, il s'évanouit. Cameron Diaz à l'hôpital, l'amène à l'hôpital où il y a la chef de la CIA qui lui dit bon, tu devrais prendre des vacances, mais t'inquiète, on va t'amener dans un lieu sûr. un médecin arrive, il lui donne des pilules à prendre. Il prend les pilules, mais le médecin c'est Cameron Diaz et on découvre qu'elle l'a droguée. Donc elle prend et qu'elle fait une évasion. Oui, voilà. On voit les images du point de vue de Tom Cruise qui voit Cameron Diaz. L'amener à la morgue, puis s'échapper, puis arriver à Cap Horn. Cap Horn. Ouais. Il se réveille. Il se réveille. Il a un maillot de bain. Donc elle dit, bah oui, tu sais, mon père, il m'a appris à réparer les moteurs, les yeux voilà, fermés. Voilà, les yeux fermés. Je peux t'échanger des maillots, les yeux fermés. Bref, avec moi, je dis pas que c'est parce que je l'ai fait. Voilà, c'est ça. Réplique un peu pareil. Donc, ils décident de partir. On voit qu'ils partent vers Cap Horn en vacances. Enfin, les trucs rêvés de Tom. Et petite épilogue de la fin, les parents de Tom Cruise reçoivent des tickets pour Cap Horn. Fin du film. Eh ben bravo, Serena. Je sais pas combien ça a duré. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu. C'est hyper c'est un peu long et il y a plein de petites merdes. C'est pas facile à expliquer en plus, je pense. Non. Voilà, le plus simple, c'est de le regarder. Voilà. Ou alors, sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder un petit extrait. Donc, c'est la course-poursuite dans Boston. Quand Cameron Diaz allait avec les mecs de la CIA dans la voiture. Et que, bah, du coup, Roy Miller va apparaître pour sauver tout ça. Premier coup de balle. Deuxième. Un mec est mort. Cameron Diaz se protège. Un mec est mort. Il y a un truc laser sur l'autre mec. Le conducteur, il est mort. Et avec le pied sur l'accélérateur. Oui, c'est ça. C'est pas drôle. Ah, les troisièmes, ils se jettent par la voiture, mais elle va pas le suivre parce que c'est trop dangereux. Il y a une bagnole qui explose sur le côté. Et là, Cameron Diaz est toute seule dans la voiture avec deux cadavres. Elle prend les volants et elle est contre-main. Elle a toutes les voitures qui viennent de son côté. Elle est dans la contresens. Ouais. Contresens. Dans la rétroviseur, elle voit une moto de police. Elle voit plus rien pendant une seconde. La moto redescend sans le pilote. Il y a le casque. Tom Cruise qui tombe sur le capot. Qu'est-ce que tu fais là? Tu bloques la vue. Et Tom Cruise qui dit non, mais ça va super bien. Ah, t'as une super belle robe d'ailleurs. Tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Coup de pistolet. Ça tire dans tous les sens. Boum, boum, boum. Il fait exploser une voiture. Une voiture. Deuxième voiture qui fait un petit salto. Et on continue. Il esquive un camion. Hop. Il saute. Et Tom Cruise est projeté sur la voie d'en bas. Et il arrive sur un break familial où il y a un gamin qui lui redonne ses lunettes. Et il peut enfin remonter sur le toit de cette voiture pour rejoindre June. Waouh, cette image est magnifique, gamin. Ah oui. Donc, Tom Cruise essaye de sauter de la voiture. Il est sur la voiture de Cameron Diaz. Il va aller sur la voiture de Cameron Diaz. Là, il est sur le break, il 3, saute. 2, et non, raté. Il y a un camion qui est passé en cours et il s'est mangé le camion. Donc, bon, on est toujours avec Cameron Diaz. Et Tom Cruise réapparaît dans une décapotable. C'est trop bien. Donc maintenant, il va sauter de la décapotable à la voiture. Et ça y est. Il arrive. Il est sur les toits, là. Ouais. Mais par contre, ils sont toujours à contresens. Oui, dans un tunnel à contresens. S'il te plaît, ouvre la porte. Il est très calme. Ouais, bah c'est une journée comme une autre au boulot. Des nouveaux coups de pistolet. Oh là. Allez, il faut les tuer. Bam, bam, bam. Allez, Tom. Mitraillette, comme ça. Ouais, bah oui. TP, ouvre la porte. Ouvre la porte, s'il te plaît. Ah, porte cassée. Elle arrive à l'ouvrir. Qui vient s'encastrer dans la voiture des poursuivants qui font un tour. Tout simplement. Elle arrive à enlever les pieds de l'accélérateur, elle met sur les freins, mais du coup, gros freinage. Tom Cruise évite son voiture. Et rentre et continue. Il va à rentrer pour conduire. Il se mange un échafaudage. Ça ne s'arrête jamais, c'est la folie. Il tire sur les gars qui l'attendent. Et on va avoir droit à... Pour finir, un petit dérapage à 180 degrés et c'est bon, tout le monde est sauvé. Waouh, c'est trop bien. Ça déménage. Après, voilà, très très très drôle cette scène. Bon. Ouais. Vas-y. Qu'as-tu pensé de ce film ? Toi, ouais, j'ai parlé. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. En fait, je savais pas vraiment à quoi m'attendre parce que j'avais l'impression que c'était un film qui avait pas marché, tu vois, qui était passé un peu sous les radars. Et puis en plus, tu vois que ça n'a pas été super bien critiqué et tout. Je me dis, bon, alors c'est surprenant parce que sur le truc, tu te dis, bon, Tom Cruise, Cameron Diaz, les deux sont plutôt cool. Et super bonne surprise, en fait. C'est hyper, c'est le bon film d'action à la con qui va bien. C'est très, très drôle. C'est très drôle. À la limite de la parodie aussi, moi, je trouve. Ouais. T'as un espèce de mélange un peu sympa, c'est, on dirait un cartoon. Il y a des moments, là, la poursuite, typiquement, on dirait trop un cartoon. c'est vraiment génial, quoi. Ouais, carrément. Et je trouve que ça vraiment, en fait, ça mérite vachement. Et puis, une des réflexions que je me faisais, c'est qu'en fait, tu vois, sur les précédentes émissions, on se disait, j'aimerais bien qu'il fasse un buddy movie, tu vois, comme L'Arme Fatale, tout ça. Et en fait, celui-là, c'est carrément ça, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un vrai super duo qui est que sur de l'action et de l'humour. Enfin, et en plus, il y a un super chimie entre les deux, ah ouais. Je trouve. Et ils sont tous les deux hyper bons à un rythme comique. Ouais. Donc, ils font vraiment rire ensemble. Ils sont Ça fait un super duo comique, un super duo d'action, parce que oui. Bon, au final, ils ont quand même fait pas mal de cascades. Oui, carrément. Et le film est hyper bien rythmé. Le scénario, il est basique, mais en fait, tout marche. Si tu veux, il y a toutes les micro-scènes, les petits plans pour expliquer. Mmh. Enfin, t'es jamais perdu, t'arrives à suivre quand même. Ouais, carrément. C'est de la belle ouvrage, comme on dit. Ouais. Enfin, moi, je trouvais ça une très belle voix. Ouais, carrément. Je suis d'accord. Bah, il y a quelques moments un peu, pour voir vraiment les poils qui dérangent, il y a quelques moments un peu bizarres, notamment sur la plage, ouais. Où elle essaie de le battre et après elle le prend et elle le drague au même temps. C'est un peu chelou, je dois dire. Les trucs du maillot des bains. Aussi, ouais. C'est un peu chelou quand même. Et puis, elle est tout le temps droguée, quoi. Oui. Dès qu'il sait pas quoi faire, il la drogue. Mais en même temps, tu vois, il y a un truc hyper rigolo, c'est qu'il assume tout, quoi. Il dit, bah oui, je suis désolé, je t'ai drogué, parce qu'en fait, c'est le protocole, je suis obligé, parce que là, sinon. Et c'est pour te protéger. Enfin, c'est hyper bizarre, quoi. C'est un peu. Mais quand elle le drogue, c'est chelou quand même. Ouais, mais aussi. C'est pareil, en fait. C'est ce truc où il l'inverse, où à la fin, c'est elle qui fait toutes les actions d'espionne, quoi, en fait. Elle devient au fur et à mesure d'espionne. Bon, mais ça, le duo, après, ils ont un duo qui est bien équilibré. Enfin, même, tu vois, en temps de présence à l'écran, le rôle, les deux, c'est super bien, quoi. Oui, et je trouve que Cameron Diaz est peut-être un peu la Tom Cruise au féminin. Ah. Très peu reconnue. Je trouve qu'elle n'est pas... Oui. C'est pas un nana que tu dis, ouais, super comédienne. Ouais. Bon, c'est pas exactement comme Tom Cruise, mais elle est quand même une super bonne comédienne. Il y a des scènes dans ses films, je trouve ça hyper génial. Ouais. Elle est vraiment hyper forte... Bon, bref, j'aime beaucoup. Et j'adore l'effet que pour une fois, il y a un putain de civil qui panique complètement. Et je trouve que c'est tellement injuste, merde, qu'elle n'est pas capable, tu vois. Tom Cruise, il lui demande d'être hyper focus, mais elle panique. Oui, et puis même, tu sais, dès le début où il lui dit, tu vois, il l'apprend, il lui dit, là, en fait, les mecs, ils vont t'arrêter, ils vont te dire qu'ils t'emmènent en sécurité, tu dois pas balancer, quoi. Et puis en fait, elle est avec les mecs, ils disent, on est le FBI, la CIA, elle balance tout. Elle dit, parce que en fait, c'est normal. Mais tu t'as rencontré un gars qui a tué 10 personnes dans un avion. Grave. Ouais, a priori, un mec, un groupe de gars qui te disent on est de la CIA, bon. Ouais, carrément. Ça, c'est trop bien. C'est trop du bien. Coup, c'est vraiment bien. Mais c'est marrant comment c'est bien. C'est plutôt bien écrit, quoi. C'est un peu dense. Oui. Il y a un truc qui est quand même hyper dense. Parce que là, on déconne avec ça, mais c'est vrai que c'est le tour du monde en deux heures. Hein. Avec les musiques hyper clichés dans chaque endroit. Ouais. Mais bon. T'as plein de petites astuces qui sont bien foutues. La réalisation, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, la mise en scène est très, très bien. Toutes les scènes d'action sont hyper bien chorégraphiées. Même les trucs de la drogue. Les petits flashbacks. Pas mal comme ça, ils ont un peu accéléré les films, tout en gardant des moments vraiment drôles. Et ça fait un truc hyper comique en plus. Et ça raconte. Ellipses. C'est malin. T'arrives à tout comprendre, ça reste con-con, hein, ça reste un scénario. C'est fait pour être un film d'action, d'humour, quoi. Oui, oui. Et t'as absolument. Beaucoup de critiques, je lisais les critiques américaines, t'en as beaucoup qui disent, bon, ouais, c'est assez mitigé, enfin, la note est très très moyenne dans les critiques, et t'en as beaucoup qui disent, bah, c'est un film de formule, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une formule, tu la déroules de A à Z, quoi. Mais je trouve qu'il y a un truc qui, effectivement, dans le sens, les formules des buddy movies, etc., avec ces petits rebondissements. Oui. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc des années 80-90, quoi, ce genre de film que tu faisais à ce moment-là, quoi. C'est vrai. Et c'est chouette de l'avoir, je trouve, là, dans les années 2010. C'est super. Voilà. En tout cas, ça nous fait plaisir. Ah, ça nous a fait beaucoup de plaisir. Et mine de rien, tu vois, il y a eu un remake indien. Ah bon ? Oui, qui s'appelle Bang Bang. Non, je l'ai pas vu. Je vais le voir. Ouais, j'ai vu cette anecdote hier. Je me suis dit, ça, faut arriver à le trouver. Franchement, ça peut être rigolo à regarder un remake indien. Ça peut être trop drôle. Parce que le principe, effectivement, marche trop bien, quoi. Bah oui, mais non, mais c'est trop vrai. Bon, après, sans Tom Cruise, je sais pas, je m'avance pas trop, mais... Sans Tom Cruise, tu regardes ouais, pas. Je sais sans pas. Tom Cruise et Cameron Diaz, je suis pas ouais, sûr. Ouais, je sais pas. Mais ouais, carrément. Et Bang Bang, c'est mieux que Night and Day. Ah, je trouve le problème du titre. Les titres... Alors... Bah, pourquoi là déjà, on a un gros souci, c'est que le titre original, donc c'est Night and Day, K-N-I-G-H-T, ouais. Donc chevalier. Et en français, ils ont traduit ça... Aussi en anglais, on appelle ça night and day, mais nuit et jour. Quoi. Donc, ils enlèvent le principe du knight, du chevalier, qui, à la rigueur, a un sens, puisque c'est le nom de famille, finalement, de Roy Miller. Et en c'est... plus qu'il y a les chevaliers qui tiennent les figurine. Ouais. Il y a la petite figurine du chevalier. C'est lui, c'est son rôle au début du film. Il veut, c'est le chevalier qui protège Cameron Diaz, qui veut faire ses trucs sans... La... Donc, tu comprends le titre original. Oui, oui. À la rigueur. À la rigueur. Mais le titre français, effectivement, n'a aucun rapport. Ouais. C'est mais c'est un film, ils l'ont changé beaucoup. Le scénario a duré un peu longtemps. Il y a un moment, ça s'appelait Wichita. Ah ouais. Parce que ça se passe à Wichita au début. Et après, ils ont appelé ça Wichita and the Trouble Man. Donc voilà. Ouais, bon. Ça c'est pas mal. Mais bon. Et puis finalement, ça s'est terminé, je sais plus comment, en Night and Day. Ouais. Bon. C'était drôle, c'était pas mal. C'était après, drôle, après moi, il y a un truc sur elle, quand elle prend le sérum de vérité aussi, qu'elle se dit « Oui, mais Roy, il a fait ça parce qu'il voulait le faire pour moi et que machin truc et tout ça. » Bon, ça aussi, limite pour moi, scénaristiquement. Ils le font, en fait, c'est une manière d'expliquer ce truc-là. Quoi, tu ouais, vois. Je sais. Moi. Et en même temps, de lui donner à ce moment-là ce truc comique, elle parle tout le temps et le méchant, il pète un câble, en fait. Ouais, c'est génial. C'est assez malin, en fait, finalement, d'avoir réussi à... Parce que là, tu te retrouves sur une scène où t'expliques Qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui est toujours chiant au cinéma quand tu expliques quelque chose alors que tu pourrais le montrer. Oui. Mais là, elle l'explique, mais en même temps, le fait qu'elle l'explique, ça devient un ressort comique. Donc, c'est plutôt malin. Ça marche. Ouais. OK. Et ça va avec le personnage de Roy, effectivement, qui, deux minutes après, il est sur sa mission. Et puis, en fait, il y a Cameron Diaz à sauver. Il se dit, merde, bah, j'y retourne. Parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai mis là-dedans. Donc, c'est assez marrant. Bing. Alors. Maintenant que tout ça, on est d'accord, on va se demander ce qui se passe au niveau des Oscars. Oscar. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Et oui, les Oscars. Allô. Les Oscars, les petites statuettes dorées que Tom Cruise ne peut pas mettre sur sa cheminée. Pas encore. Parce que là, en ce moment. Ils sont en train de voir. Tous les studios font le lobbying. Pour avoir leur film aux Oscars. Ah ouais. Et la Paramount, ils ont blindé sur Top Gun Maverick. Hein. Ah bon ? Ah là, ils ont mis la blinde. Ils ont dit, nous, on veut être nommés pour ça. Enfin, tu vois, Comment tu sais qu'ils ont fait ça ? Parce que j'ai regardé Internet, Twitter, tout ça. Ah, et là, ils sont cool. En train de faire un gros lobbying pour que Top Gun Maverick. Écoute, on verra. Il faut d'abord s'il est nommé déjà. Mais c'est pas impossible. Oh. Hein. C'est pas impossible. Oh, putain, mais ça serait. C'est le gros carton de l'année, quand même, le truc complètement inattendu. Ouais, ça grave. Fait 1 milliard au box-office, c'est quoi? Non, mais fou. C'est incroyable. C'est trop, on est d'accord. Ouais, mais... c'est trop. Non, c'est bien, c'est bien. Bref, c'est mais par... reparlons de Night and Day. Night and Day, un film qui n'a pas eu d'Oscar. Pas des nominations. Alors, il y a juste, j'en ai vu une nomination, je trouvais pas mal. C'était que la bande-son a été nommée au World Soundtrack Award. Ok. Mais c'est vrai que c'est une bonne pas que son. Ça existait, les World Soundtrack Awards. Moi non plus. Et j'étais content, je me suis dit, c'est vrai que moi j'ai bien aimé la musique de John Powell. Bravo John. Je trouvais ça très sympa ce qu'il a fait. Oui, moi aussi, ouais. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'il y a eu des Oscars dans ce film? Enfin des gens, pas pour le film, mais des gens dans ce film qui... J'en sais eu. Oui, mais de toute façon, il n'y en a qu'un. Viola Davis. Voilà. C'était... J'étais là, je me dis, mais tiens, c'est marrant, il n'y a personne qui a eu d'Oscar. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais il y a Viola Davis, donc ça va. Ouais. Mais sinon, il n'y avait personne d'autre. Il y a des gens qui ont des nominations. Paul Dano, il a eu des nominations. Non, Paul même Dano, pas. Il n'en a pas eu. J'en ai trouvé un autre. Jay Hart, qui est le directeur artistique, qui avait eu un Oscar pour la direction d'accord. artistique. Il y a le directeur photo qui a eu deux nominations, qui s'appelle Fedon Papamichael. Oh, d'accord. John Powell, le musicien qui avait eu une nomination pour la musique de Dragon. Et James Mangold, le réalisateur, qui a eu deux nominations pour notamment Ford versus Ferrari. Ah, c'est lui qui a fait ça ? Ouais. Oh. Ah, j'ai pas bien. Vu. J'ai ah oui, c'est vrai que toi t'as aimé. Ouais, j'ai trouvé ça bien. Toi, tu l'as pas vu. Tu peux... pas vu, mais la bande-annonce, ça m'a vraiment pas donné envie. Mais c'était plutôt bien. Ok. Ben, en fait, James Mangold, c'est pas En plus, tu l'avais conseillé à un moment. Ah, c'est possible. Ouais. Ah oui, quand on avait fait Jour de tonnerre. Voilà, ça. Ouais, c'est vrai. Mais non, James Mangold, c'est un bon réalisateur. Bah, je trouve qu'en tout cas, c'est un mec qui sait bien faire les trucs. Parce que là, tu vois, Ford versus Ferrari, c'est pareil. C'est pas un grand film, mais la réalisation, c'est nickel. Ok. Il avait fait le biopic sur Johnny Cash aussi. Ah, Walk the Line. Ouais, Walk the Line. Wow. C'est pareil, c'est bien foutu. C'est, il est bien, il est bien. Et il avait fait Logan, le film sur Wolverine. C'était pareil, qui était un truc bien réalisé. En fait, c'est un bon directeur d'acteur, je pense. Non ouais. Parce que là, il joue super bien. C'est peut-être pas un mec qui a un univers, tu vois, c'est pas Del Toro ou des trucs comme ça. Ouais. Mais par contre, il sait mettre en scène des choses. Bien, ok. Donc bravo, James. Bravo James. Salut donc, James. Effectivement, le seul Oscar, c'était Viola Davis. Ouais. Les sous-sous. Alors ça c'est un film. Il a coûté un peu quand même du pognon. Rien que. Bah ouais, les voitures cassées. Les bagnoles. Les locations. Ouais, différents endroits où ils ont tourné. Bah oui, les voyages. C'est ça. Et puis t'as beaucoup de cascades faites en vrai. Il y a pas. Il y a du fond vert. Enfin, il y a des trucs rajoutés. Je sais que tous les crashs de bagnoles. Ils les ont fait en studio et incrustés après. Ouais, c'est bien. Parce que ça peut être chaud quand même, en plein trafic à Boston, c'est chaud quand même. Ouais. Et donc, du coup, ce film a coûté la modique somme de 117 millions de dollars. Ce qui est quand même. Ah oui, quand même. 117, pour te donner une idée, ça doit être le prix du Mission Impossible 2, je crois. Ouais. Ou de la Gare des Mondes, c'est de 130, tu vois. Enfin, c'est quand même un gros c'est budget. C'est un très, très gros budget. Il en a amené des sous ou pas ? Alors, pas est-ce qu'il ouais, c'est ça. C'est un peu moins que ça coûte un peu moins cher que Mission Impossible 2. Mais ah donc, ouais. Ça caresse quand même beaucoup. Et il en a rapporté quand même pas mal. Ah ouais ? Mine de rien, tu vois, il a rapporté 262 millions. Ah, mais ça va ! Ah bah largement, oui. Je pensais pas du tout. Et oui. Moi, j'ai même pas vu sortir ces films en Italie, comme je pense. Quoi. Yeah, bah, s'il n'est pas sorti en Italie, c'est pas bon. C'est pas un carton. Non, mais tu vois, il a marché, il est rentré dans les frais, tout va bien. Bah ouais, trop mais, bien. Mais il est passé sous les rats. Enfin, il n'est pas resté. Il n'est pas resté dans... Il n'a pas passé l'épreuve du temps. Il n'a pas passé l'épreuve du temps, c'est ça. Par contre, une personne qui passe bien l'épreuve du temps, c'est Tom Cruise. Mais oui. Tom Cruise, du coup, dans ce film, qu'est-ce qu'on en... Enfin, génial. Moi, j'ai envie de dire que c'est carton plein, parce que carton alors là, plein. Moi, il y a tout ce que... Tu vois, quand on a fait le live, donc il y a quelques temps, je disais ce que je voulais pour la suite, c'était moi, j'ai envie qu'il fasse des trucs fun, qu'il aille tenter des trucs d'humour, des buddy movies, des machins. Et là, en fait, là, c'est super drôle. Il fait ses cascades, il s'éclate, il n'en a plus rien à foutre. Il s'auto-parodie un peu, en fait, dans le truc aussi. Ouais, mais il est parfait dans ce rôle du paranoïaque, pas paranoïaque, mais un peu chelou. Il contrôle tout. Qui est hyper calme, qui doit amener... Très pro. Oui, hyper pro, mais en même temps, qui fait des trucs de malade. Ouais, c'est ça. Il est parfait. C'est Tom Cruise version cartoon, en fait. C'est génial. Putain, c'est trop bien. Ouais, non, mais je l'ai trop adoré du début à la fin. En plus, il est vraiment drôle. Bah, il a ce côté-là du duo vraiment drôle. Tu sens qu'il s'entend bien avec Cameron Diaz, quand même, en tout cas à l'écran. C'est pas trop drague dégueulasse, même à part certains moments. Ouais, mais ça va. C'est vrai que c'est pas pire. C'est ça pas pire, tu vois. Plutôt clean. Et même quand ça arrive à la drague, c'est un peu cartoon aussi. Je sais pas, les trucs quand il marche ou tous les balles. Bon, bref, cette scène-là. Oui, ça, c'est drôle, ça. C'est drôle. Ils utilisent la romance aussi sous une clé drôle. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Tommy. Mais bravo. Ouais. Et quand même, on est sur un. Tu vois, là, par rapport à. Au film qu'il a fait avant, genre Valkyrie, où il se prend très très au sérieux. Ouais, c'est chiant. Là, c'est quand même cool de se dire, bon, là, lâcher prise totale, quoi. Ouais. Moi, et en même temps, il est dans un truc qu'il connaît, qu'il maîtrise, qu'il sait faire. Oui, parce que l'action aussi, ça aide, ça aide son perso. Ah, complètement. Ouais, je trouve, ils lui ont vraiment fait sur mesure, ces persos. Ouais, et puis en plus, encore une fois, tu vois, je regardais des petits extraits de making-of, tout ça. Déjà, tu vois vachement l'alchimie hors plateau aussi. Ouais. Parce que déjà, il y a beaucoup, beaucoup de cascades. Donc, Tom Cruise a fait quasiment toutes ses cascades. Cameron Diaz en a fait pas mal aussi. Ouais. Elle a beaucoup piloté, parce qu'elle adore conduire. Mais moi, je la trouve géniale, Cameron Diaz. Je l'adore. Je pense que là, les deux sur le plateau, ils se sont retrouvés. Ils adorent les bagnoles, ils ont machin. Ouais. Et en fait, tu vois des scènes où en fait, ils s'éclatent, ils sont trop contents. Mais ils, plus, ils doivent, se chauffent entre eux. Enfin, ils doivent être un peu amis, puisqu'ils ont déjà tourné Vanilla Sky ensemble. Non bah, après, tu peux avoir tourné avec quelqu'un sans être ami. Mais oui, en tout cas, tu vois que sur le plateau, effectivement, ça colle. Enfin, y a un truc qui marche bien. Ils ont un peu les mêmes délires sur ce truc-là. Ouais. Donc, ça aide. Et je pense que ça aide aussi, encore une fois, c'est un truc que souvent les réalisateurs disent, quand tu as ton comédien qui fait lui-même ses cascades, bah, c'est vachement plus simple après pour faire le film. Quoi. Bah, bien sûr. Parce que tu réfléchis, tes angles de caméra, ils marchent tous. Donc c'est vachement bien. Et là, je pense que James Mangold, il s'est éclaté. Hein. Si oui, toutes les scènes avec les bagnoles, bah, tu te dis, si tu peux toutes les avoir dans l'angle que tu veux. Quoi. C'est génial. C'est génial. Non, mais de toute façon... Et ça, c'est grâce à Tom, ça. C'est Tom. Et à Cameron. Et Cameron. Et ça aussi, c'est agréable d'avoir vraiment, enfin, un duo où les deux sont équilibrés. Égalité, quoi. Ouais. Je pense que ça... Je me dis, les derniers duos, ou la dernière fois où Tom Cruise ne mange pas son partenaire, même sans le faire exprès, tu vois, mais je pense que ça remonte à Rain Man, presque. Ouais. Depuis, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de film où il arrive à laisser son partenaire. Je ne sais pas trop. Oui, oui, non, mais c'est sûr qu'elle, elle est à la hauteur. Et ils sont tous les deux drôles, mais différents. Ils ne sont pas non plus dans les mêmes jeux. Ah, c'est trop bien. Ouais, le duo marche vraiment bien. C'était vraiment la grosse surprise sur ce film. Ouais. Mais ouais, je réfléchis, je vois pas d'autres partenaires qu'il aurait eu récemment ou. Sur un film dans cette envergure, tu vois. Parce qu'autant dans Lion et Agneau, quand il est avec Meryl Streep, tu vois qu'effectivement, c'est des petites scènes, donc c'est pas comparable. Mais sur des gros films, je vois pas trop. Il a beaucoup fait de films où il était un peu tout ça, peut-être collatéral à la rigueur. Ah bah si, bah quand même Jamie Foxx. Ouais, où c'était un peu équilibré. Mais c'est pas le même type de duo. Ils sont antagonistes, quoi. Là. Ouais. Non mais super. Ouais. Super. Bah du mais coup, on n'a rien d'autre à dire. Si c'est tellement super, bah qu'est-ce que... Dans ces cas-là, si c'est super, qu'est-ce qu'on se dit je ne sais pas. Bah non, je sais pas. Après, peut-être... Faut regarder quelle heure il est. C'est l'heure du coup. Et oui, le cruise émetteur, cette échelle de 0 à 100 où on donne notre avis, notre ressenti sur la qualité pour la carrière de Tom Cruise de ce film, la postérité, tout ça. Et là, on se disait avant d'enregistrer, ça commence à être très compliqué parce qu'on a beaucoup de films. Ouais. Il faut faire toujours le point entre ce qu'on a aimé, ce qu'on a aimé le film, et est-ce que c'est important. Ça devient compliqué. Et là, typiquement, ce film, tu vois, tu passes un super moment. Mais quelle place ça a dans sa carrière Mais je suis pas sûr qu'elle soit énorme. Donc, comment on met ça, Serena? Est-ce que tu as trouvé ta note autre que 50% que tu mets à chaque fois quand tu sais pas quoi faire? Alors, j'ai un peu regardé mes anciennes notes et je me disais, pour pas arriver complètement paumée, parce que c'est très difficile ces films. J'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il restera dans mon cœur ces films, peut-être même à le revoir. Cœur. Mais ça n'a rien fait, quoi. Pichinette, ça n'a pas passé. Ça a fait un peu pchit. C'est rien, quoi. C'est même pas. Valkyrie, à la rigueur, il est passé plus que. Il est plus connu que ses films, quoi. Ouais, c'est fou, possible. Quand même. Et du coup, je me suis dit, Box-office, mémoire, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Donc, je me suis dit 36%. OK. Parce que je ne pouvais pas les mettre au-dessous de Mission Impossible, même. 2 et 3 qui sont autour des 46-50, quoi. Mais je ne pouvais pas le mettre trop bas, genre l'usinite, tout ça, rien à voir. Ouais. Donc, quand même, c'est un rôle que je pense qu'il est important qu'il le fasse à ce moment-là, mais bof, dans l'histoire du cinéma et de sa carrière. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Okay. Et toi? Et moi, j'étais parti plus haut. J'étais parti à 56% qui me mettait, je crois, juste au-dessus de Mission Impossible 2. Wow. Et pourtant, tu connais mon amour pour Mission Impossible 2. Ouais, je suis un peu choqué, Parce que je pense qu'il y a une forme dans ce film qui est assez nickel, tu vois. Il y a un truc, un espèce d'aboutissement de se dire « Ok, ça, c'est la bonne forme. » Et Tom Cruise a dit en fait qu'il voulait faire autre chose, qu'il voulait faire du Mission Impossible, mais un peu décalé, quoi, quand il a accepté ce rôle. Donc, tu comprends. Donc, je me dis, cette forme-là, elle est hyper aboutie. Ça a quand même un bon succès. Ça, effectivement, il n'y a pas la postérité. Donc, on ne peut pas le mettre trop haut. Ouais. Mais par rapport à Mission Impossible 2, tu vois, qui est mal aimé, mais qui est plus connu, du coup, je me dis, peut-être par là, ça peut. C'est pas mal. Voilà. Ouais, donc j'ai été très généreux, peut-être, mais voilà. Mais c'est bien. Du coup, je le mets à 56%. Parfait. Voilà. Très, très bien. Allez, hop. On reste quand même autour de 50, de, finalement. Mais... Ah bah, au final, ouais, oui, voilà. Oui, on va pas être bien loin. Non. Attends, je vais le calculer direct, quand même. Voilà, on est... Oula, non, je fais une bêtise. On doit être genre, je sais pas... Allez, on est à 46%. Ouais. Oui, c'est bêtement. Ça, 36-46, c'est un peu bête, mais... 36 et 56, eh oui, j'avais même pas fait gaffe. Ouais. Ok, donc voilà, on fait un petit 46%, c'est pas... je sais pas où ça le met dans notre classement, mais ça va le mettre correct. Ah ouais, il est correct. 46, pense. C'est pas dégueu. Ouais. Oui. Rotten Tomatoes, du coup, il est un peu comme nous, hein, il est à 52%. Ouais, bah, avec vraiment ce que je te disais, les critiques, où ils adorent l'alchimie entre Cameron Diaz et Tom Cruise, mais qu'après, c'est un film qui est pas surprenant. Bah oui. Ce qui est pas faux. Et pour info, Allociné, les spectateurs, 3,2, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils ont plutôt aimé. Ok. Du coup, ceci dit, moi j'avais une question, ce qui est l'occasion d'écouter un nouveau jingle. Waouh! Why is Tom Cruise always Tom Cruise? Running? Why is Tom Cruise always named Jack? Rock climb. Why did Tom Cruise and Tom Cruise and Tom play Cruise guitar? Fly a helicopter? And Tom Cruise did Tom fly Cruise really hang off the plane? And Tom Cruise hold his breath for 6 minutes. Alors la rubrique de la question qu'on utilise qu'on faisait peu finalement, mais là on va essayer pour cette dernière saison, enfin cette potentiellement dernière saison, oui, de le faire un peu plus récurrent. Toujours des questions avec un peu de mauvaise foi. Vas-y. Et ma question du jour pour toi, Serena, c'est qui peut parodier Tom Cruise mieux que Tom Cruise ? Qui peut parodier, faire la parodie de Tom Cruise mieux que Tom Cruise ? Eh oui, parce que tu vois, là, on a un peu ce truc, il y a un peu ce truc-là dans Night and Day, où c'est un peu Tom Cruise qui parodie les films d'espionnage dont il est complètement, Il fait complètement partie. Et ce qu'on disait, ce personnage, c'est quand même un petit peu beaucoup lui, comme on le voit dans l'industrie. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et j'ai l'impression que Tom Cruise est la meilleure parodie de Tom Cruise. C'est vrai. Mais par contre, la parodie de Ben Stiller, c'est quand même dans mon cœur pour toujours. Je pense qu'effectivement, il y a Ben Stiller. C'est peut-être pas mieux. Mais il est assez exceptionnel. Mais oui, c'est vrai. Et lui, il est tellement fort. Il se prend tellement pas au sérieux, finalement. Et il s'amuse de sa propre image. Et dans un film qui est quand même, c'est vrai ce que tu dis, des missions impossibles, les trucs des villes, on va le voir l'épisode de la semaine, dans 2 semaines, mais c'est un peu la même structure des scénarios, des rebondissements, un truc secret qui a volé, plein de villes, machin truc, mais un clé comique, c'est Ah oui, c'est parce parfait, que là, c'est par rapport aux missions impossibles, là, c'est vraiment pris sur l'axe humour, quoi. Oui, oui. Même si les missions impossibles, on va le voir dans 2 semaines, du coup, Mission Impossible 4. Ça commence. Il commence à trouver un chemin, comment incorporer de l'humour dedans. Ouais, mais c'est pas mais encore c'est moins ça, central toi. Que là, Night and Day, c'est vraiment central. Parce c'est que là, en plus, il parodie pas juste son rôle à lui, mais il parodie aussi la structure du film. J'ai l'impression que même les grands méchants, les méchants cachés. Ouais, bon. Mais je pense, mais tu vois, c'était rigolo parce que partout, dans je lisais les critiques et tout ça sur Internet, jamais ils disent que c'est une parodie. Enfin, ils en parlent jamais comme ça. Et par contre, tu ouvres le Wikipédia de Night and Day américain, c'est le premier truc qu'ils disent, c'est un film d'espionnage satirique. Oui, je suis d'accord. Et effectivement, en fait, pour moi, c'est une clé qui est évidente. Et quand tu lis des gens qui critiquent le film très premier degré en disant « Ah, mais c'est complètement con », etc., bah, je pense que c'est pas... C'est l'objectif. C'est pas, alors après, c'est pas frontal, c'est pas Scary Movie ou des trucs comme ça, tu vois. Mais il y a un truc qui se joue là-dedans, qui est intéressant. Et en plus, il faut dire qu'aux États-Unis, cette chose-là existe et c'est vraiment un truc très spécifique. Ouais. C'est les parodies de genre de films. Ouais. Et là, ils ont fait... Dernièrement, ils en font plein de la parodie du thriller sur la meuf qui espionne la meuf en face sur Netflix. Il y a la parodie du biopic musical maintenant qui vient de sortir sur Weird Al Yankovic. Je ne sais pas si tu vois, mais bon, c'est... Je vois. Et c'est un truc très spécifique aux États-Unis où si tu le vois, que tu sais... Tu connais pas cette culture-là, tu dis mais c'est nul à chier. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est très subtil, quoi. Ça fait penser, c'est les mockumentaires aussi. Les faux documentaires, c'est The Office, c'est que ça. Et c'est pareil, c'est un humour très anglo-saxon qu'on n'a pas forcément. C'est vrai. Super. Donc, voilà. Donc ma question, bon, c'était rhétorique, mais personne ne peut parodier Tom Cruise mieux que lui. Avec deuxième position, Bastille. Avec Ben Stiller quand même qui touche qui pas loin. Alors, avant de se quitter, nous allons faire de petites recommandations. Ouais. Est-ce que tu as prévu des recommandations ou pas? Alors oui. Ah, c'est bien. En fait, non, mais c'est qu'il y en a tellement de possibles. Il y a tous les Charlie's Angels de Cameron Diaz. Ah oui. Oui, qui étaient pareil, eux qui étaient très pop. C'était génial. Ouais, moi, j'adorais ces films. Paul Dano et les films qu'il a fait avec les Daniels, là, Swiss Army Man. Oui. Il y en a plein. Mais il y a un truc que j'ai vu récemment, qui n'est pas vraiment un film, c'est une docu-série qui est sur Netflix, qui s'appelle Bad Vegan. Et en fait, c'est une docu-série sur une nana, parce que c'est tout un bordel dans ma tête. Mais c'est une Sarma Melgalis, un truc comme ça, qui a fondé un des plus grands et premiers restaurants de cuisine végane crue, qui est rentré dans un espèce de scandale parce qu'elle a pu, à un moment donné, elle a volé l'argent de son propre resto qui était un des restos top de New York, et elle est partie en cavale avec un mec. Et en fait, c'est tous les documentaires, ils t'expliquent comment elle est rentrée dans un truc de malade à croire à un mec qui lui disait qu'il pouvait la rendre immortelle, qu'elle pouvait rendre immortelle son chien, mais complètement tarée, quoi. Elle a cru à tout ce que ce mec lui a dit. Et au fur et à mesure, elle s'est auto-détruite pour croire à ce mec qui, en fait, est en train de la voler, de lui voler son argent. Et c'est trop intéressant. Et je me suis dit, ça pourrait être ça, l'histoire de Cameron Diaz aussi, parce qu'elle s'invente tout un monde où elle croit un mec qui est quand même dangereux et probablement psychopathe d'un œil extérieur. Ça se passe bien parce que c'est vrai. C'est un professionnel. mais ça m'a fait un peu un truc. Oui, elle s'invente quand même des histoires. Et si ce mec, il était vraiment dangereux? Et ces documentaires-là, je le trouve hyper intéressant parce que la nana, elle témoigne elle-même de sa propre expérience, et c'est dingos. Elle a eu un espèce de truc de ouf. Ok. Voilà. Alors du coup, c'est Bad Vegan. Bad Vegan. Je sais pas. Okay. Et après, en français, c'est traduit un menu à l'arnaque. Genre, attends, un truc comme ça. Ouais, bon. C'est un peu nul. On a des soucis avec les traductions, là. C'est nul. Et toi? Alors moi, du coup, je galérais un peu à chercher une recommandation. Et puis finalement, c'est en voyant qu'il y avait un remake indien. Ah ouais. Que je me suis dit, ah mais c'est vrai qu'en fait, parce que je me suis mis il y a pas longtemps, je me suis dit, je vais découvrir les films indiens. On n'a pas trop l'occasion. Et sur Netflix, il y en a plein. Mmh. Et direct, j'ai été regarder le plus gros film indien de tous les temps, enfin le gros c'est machin qui est sorti il y a quelques temps, qui c'est est vraiment le blockbuster ultime, tu vois, c'est leur Marvel à eux. Ça s'appelle Bahubali. Ok. Il y a deux films qui durent 3 heures chacun. Ok, trop et bien. C'est une épopée. C'est une mythologique, enfin c'est un personnage mythologique de la culture indienne qui est, et c'est complètement fou, et la réalisation, c'est assez génial en fait. Ça m'a fait délirer parce que t'as pas l'habitude de ces codes là ouais. Parce qu'on regarde peu de films, on a l'habitude des codes des films américains ou des films français à la rigueur, mais pas les films indiens, et là du coup tu vois vraiment que c'est pas du tout les mêmes codes, et en fait c'est génial à regarder. Trop bien. C'est un truc hyper jouissif, et c'est pareil, c'est beaucoup beaucoup d'humour. Mais genre, c'est pas Bollywood. Non, alors c'est pas que de la danse, oui, du chant. Voilà, il y en a un peu, tu vois. Il y a des scènes Bollywood, mais qui sont. Enfin, c'est super drôle. Non, mais c'est pareil, ça se prend très peu au sérieux. Et en même temps, c'est hyper touchant. Enfin, c'est assez génial. Okay. C'était une expérience où, tu vois, un peu comme Night and Day. Ça fait ce genre d'expérience où, en fait, tu sais pas trop à quoi t'attendre. T'es surpris parce que c'est pas du tout ce que t'avais prévu. Ouais, d'accord. Mais t'as passé un super moment. Et Bahubali, il y a partie 1 et partie 2. C'est fantastique. Ah, il y a des scènes il y a des énormes scènes de bagarre et tout ça. C'est complètement débile. C'est dingo. Je vous le recommande, même s'il n'y a pas un gros lien forcément avec le film d'espionnage. Mais, mais moi, je voudrais. Ça fait longtemps que je veux avoir un des films, parce que sur Netflix, voilà. Et ouais. Mais à chaque fois, tu ne sais pas quoi choisir. Oui. C'est donc, ça. C'est super. Bah là, moi, je ne sais plus comment, je me suis retrouvé à lire un article sur les films indiens et il parlait de Bahubali, qui était. Vraiment le film qui a coûté le plus cher, il y a énormément de monde dessus, et je me suis dit bon allez, on va regarder ça. Génial. Et là je m'en suis mis d'autres du coup dans la liste en disant ah peut-être je regardais, il y a un policier, enfin tu sais, essayer de comprendre un peu, et c'est génial en fait. Trop bien. Voilà, voilà. Super. On arrive à la fin. Oui, nous arrivons à la fin. Alors, la fin, ça veut dire quoi la fin? La fin, ça veut dire qu'on se retrouve dans 2 semaines pour parler du film Mission Impossible Ghost Protocol, le quatrième de la saga. Ouais. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, @cruzometer. Vous pouvez aller sur le site internet cruisecontrol.card.co, card avec deux R. Vous pouvez laisser des étoiles. Je dis pas de bêtises, c'est des étoiles que tu peux mettre sur étoiles. iTunes ou Apple Podcast. Enfin, voilà, tu peux mettre des étoiles au-dessus de vous, enfin ou pas. Voilà. Mais ça serait cool. Voilà. Après, si tu nous croises dans la rue, tu peux nous donner une étoile aussi. C'est super. C'est plutôt sympa. C'est plus direct au moins. Ouais, ça fait, moi, ça m'a fait plaisir. Moi, je préfère, à la rigueur, je préfère ces étoiles-là que. Bon, bref. Enfin, vous savez, vous partagez tout l'amour que vous avez pour le podcast, pas forcément pour Tom Cruise, parce qu'on sait pas si c'est une personne si recommandable que ça. Mais en tout cas, vous regardez Night and Day parce que c'était bien la rigolade quand même. Ouais. Et puis je rien de plus qu'est-ce que on est hébergé chez PodCloud, voilà. C'est PodCloud parce qu'on est hébergé chez PodCloud qui fait de la qualité. Non, voilà. Je crois qu'on a absolument rien, plus rien à se dire en fait. On se retrouve dans deux semaines. C'est la nouvelle saison. Oui, c'est la nouvelle et du coup dernière. Normalement, enfin a priori dernière parce que comme on va arriver à la fin des années 2010 et on aura les années 2020 seront pas finies, on aura pas beaucoup de films. Ouais, non. Donc on va en profiter à fond. Là, on a fait un gros break. Là c'est reparti toutes les deux semaines bim bam boum un épisode dans les oreilles quoi. Jusqu'au bout et après on fera encore d'autres choses on va pas s'abandonner comme ça. Allez, à dans deux semaines et des bisous.